Toyota. Eh, hey, t'as vu ? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride Dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Décembre 1580. Montaigne est à Rome. Il souffre alors de calculs rénaux, la gravelle, dont la description donne lieu sous sa plume à de délicieuses envolées. Effusion de sang, expulsion de pierre, pierre de la taille d'une petite pomme et de la forme de sa verge. Les envolées de Montaigne ne sont pas seulement délicieuses, mais littéralement graveleuses. De quoi nous soulager, rien qu'en lisant. Même les philosophes souffrent, même ceux qui visent l'absence de troubles y font face. Mais comment ? Y voit-il vraiment une occasion de penser, de mieux vivre ? Comment y parvenir sans complaisance ni dolorisme ? Comment donc ne pas louer la douleur sans faire comme si elle n'existait pas ? Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil. Frémissement en le voyant. Résolution pour y monter. Parvenu jusqu'au haut. Descente du dit appareil. Réflexion sérieuse. Entrelacement des soies entre les bras et les jambes. Ici se fait l'incision. Introduction de la tenette. Ici, l'on tire la pierre. Ici, l'on percasse la voix. Bonjour Dominique Branchet. Bonjour Géraldine. Alors on ne va pas perdre la voix, vous êtes professeur de littérature française ancienne à l'université de Bâle, visiting professeur à Yale depuis 2020. Vous travaillez actuellement à une relecture de Montaigne à partir de l'anthropologie et des discours médicaux et à signaler, vous avez coordonné avec Thierry Gontier le numéro 19 de la revue Éthique, Politique, Religion, Montaigne, Maladie du corps, Maladie des temps qui est paru aux éditions Classique Garnier en 2019. Alors quand même, il faut revenir sur la musique qu'on a entendue, qui est un petit peu spéciale. Je conseille les auditeurs et les auditrices d'aller écouter cette musique-là. Alors, on entend véritablement, en fait, l'opération, c'est le tableau de l'opération de la taille. C'est quoi ? C'est une musique que nous avait conseillé Dominique Branchet, qui donc décrit précisément le mal dont souffrait Montaigne. Oui, c'est un morceau absolument étonnant de Marin Marais qui date de 1725. On pourrait parler d'une lithotomie musicale où au fond la viole de gambe se fait le relais en quelque sorte du corps souffrant d'un patient qui subit une opération de ses calculs rénaux, une opération qui était réputée pour les douleurs qu'elle engendrait. C'était d'ailleurs une opération extrêmement risquée. Alors on peut supposer que Marin Marais souffrait lui-même de cette maladie. Et donc, il a cherché, au fond, à la transposer dans une écriture musicale. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette opération de la taille, c'est évidemment l'opération de création qu'elle suppose de la part de Marin Marais, parce que, évidemment, ça nous renvoie à Montaigne. Vous avez parlé de la gravelle de Montaigne, hein, donc ce vivre colliqueux, comme il l'appelle d'une manière très belle et très juste, qui l'affecte. Et ce vivre colliqueux, il ne se contente pas de l'éprouver au plus profond de sa chair. Il dit je me tâte au plus épais de moi-même, hein, je tâte le mal au plus épais de moi-même. Non, il prend aussi le parti de l'écrire, hein, de le refigurer, voire de le façonner, de le réinventer dans l'écriture. Et on peut se demander au fond pourquoi il y a cette nécessité de représenter la douleur. Je pense que c'est une manière à la fois de la part de Marin Marais et de Montaigne de nous inviter à réfléchir à cette condition fondamentale. Hein. À quelles conditions quelqu'un qui est un patient, je rappelle, ça vient de patior, hein, c'est quelqu'un qui subit un mal, donc à quelles conditions ce patient peut devenir un agent de sa propre maladie? Quand Guilhem disait dans quelle mesure on peut faire sa douleur, hein, de la même manière qu'on fait son deuil ou qu'on fait sa maladie. Et je trouve que Montaigne a une réponse extrêmement fine à cette question, parce que il ne croit pas du tout à la possibilité d'une maîtrise souveraine sur son corps et ses douleurs, hein, à la manière par exemple des stoïciens qui veulent. Et qu'il a pourtant beaucoup lu. Il a été lui-même très influencé par les stoïciens. Il a été très influencé par les stoïciens, donc il ne rejette pas complètement cet héritage, mais il va le réinvestir d'une nouvelle manière. Et surtout, il me semble qu'il va essayer de développer une voie moyenne. C'est-à-dire, il va plaider un peu pour un acquiescement actif du patient à sa propre passivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il nous invite à nous abandonner à la souffrance, mais pour s'abandonner, cela demande beaucoup de force. Hein. Et y a c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe de la force d'un abandon qui n'est pas du tout l'aveu d'une faiblesse. Et Montaigne ressaisit cette idée, il a vraiment cet art des formules percutantes, hein, quand il dit « je suis dégoûté de maîtrise active et passive ». Oula, alors attendez, je suis dégoûtée de maîtrise active et passive. C'est-à-dire que il est à la fois dans une maîtrise passive, ce qui est déjà un premier paradoxe, mais pourquoi en être dégoûté? Il en est dégoûté parce que justement, il veut opter ni pour la passivité ni pour l'activité. Hein. Il ne veut pas être complètement le sujet de ses souffrances, enfin sujet au sens de les subir, mais il ne prétend pas non plus les maîtriser. Donc ce qu'il choisit, c'est une forme d'abandon volontaire. De laisser aller à la douleur. Hein. C'est comme lorsqu'on dit « je m'endors ». Pierre Pachet avait consacré un très bel essai, hein, cette idée de s'endormir. Pour s'endormir, eh bien, il faut quelque part choisir de se laisser aller au sommeil, et de la même manière, on se laisse aller à la douleur. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite évacuer un doute quand même, mais qui va se reposer tout au long de notre échange, Dominique Branchet, qui est que, est-ce que Montaigne est doloriste? Est-ce que le fait de se laisser aller à la douleur entraîne forcément un éloge de la douleur? Ce qui serait, au vu de toutes les émissions qu'on a eues cette semaine, plus que paradoxal, presque un scandale. Ah non, alors vraiment, Montaigne s'insurge vraiment contre tout dolorisme, hein, c'est-à-dire cette idéologie qui part la souffrance de vertu rédemptrice. Hein, ce serait comme une espèce d'ascenseur spirituel, hein, qui nous mènerait à une forme de perfectionnement moral. Il a d'ailleurs à cet égard la plus grande méfiance, hein, pour des stoïciens comme Caton, hein, Caton qui se déchire les entrailles, hein, sous prétexte de vertu. Alors Montaigne doute forcément qu'il y ait là une quelconque vertu, parce qu'il y détecte une forme de jouissance perverse, hein, dans cette cruauté exercée contre son propre corps. Donc Montaigne est vraiment quelqu'un qui défend la culture du corps, hein, une forme de respect pour son corps. Et donc le respect pour son corps, ça suppose justement de ne pas chercher à annihiler cette douleur, hein, parce que ce serait anéantir l'homme en soi, mais au contraire à l'accueillir. Hein. Dans l'Apologie de Raymond Sebond, il a cette formule qui est un des chapitres des essais. Oui, voilà, c'est le chapitre le plus vaste des essais, et il écrit, enfin, je trouve la formule très forte. Il dit je suis content de n'être pas malade, mais si je suis malade, je veux savoir que je le suis, et si on me cautérise, hein, si on m'incise, je le veux sentir. Parce que si on déracine la connaissance du mal et de la souffrance, ajoute-t-il, eh bien, on anéantit l'homme. Et surtout, on n'est plus capable de savoir ce qu'est la volupté. Hein, il y a finalement cette articulation intime entre volupté et souffrance. De la même manière que maladie et santé sont extrêmement proches l'une de l'autre. Hein. Montaigne va aller jusqu'à dire qu'il y a des maladies qui sont salutaires, qui sont finalement nécessaires pour la santé, c'est ça ? Oui, pour la santé de notre esprit. Parce que on peut être malade corporellement, mais avoir l'esprit sain. Donc hein, si je vous... mens sana in corpore insano, hein, avoir un esprit sain dans un corps malsain. Donc si je vous suis bien, Dominique Branchet, finalement, Montaigne propose quand même dans ses essais une approche de la douleur tout à fait originale, puisqu'il ne veut ni la nier, ni s'y noyer, ni l'exagérer. Et c'est, je crois, ce qu'on entend dans ce texte que vous nous avez indiqué, qui est donc un extrait des essais, qui est issu du chapitre de la ressemblance des enfants au père et que l'on va entendre interprété par Hélène Losseur. J'ai toujours trouvé cérémonieux le précepte qui ordonne si rigoureusement et strictement de garder bonne contenance devant les maladies et un maintien dédaigneux et calme en les supportant. Pourquoi la philosophie, qui n'a en vue que l'essentiel et la réalité, va-t-elle s'occuper de ses apparences extérieures ? Qu'elle laisse ce soin aux acteurs des farces et aux maîtres de rhétorique qui donnent tant d'importance à nos gestes. Qu'elle permette hardiment au mal cette lâcheté de la voix si elle ne vient ni du cœur, ni des entrailles. Et qu'elle attribue ses plaintes volontaires au genre des soupirs, des sanglots, des palpitations, des pâleurs que la nature a mis hors de notre pouvoir. Pourvu que le cœur soit sans effroi, les paroles sans désespoir, qu'elle soit contente. Qu'importe que nous tordions nos bras, pourvu que nous ne tordions pas nos pensées. La philosophie nous dresse pour nous, non pour les autres. Pour être, non pour paraître. Qu'elle se borne à gouverner notre intelligence qu'elle s'est chargée de former. Que lors des attaques des coliques néphrétiques, elle maintienne l'âme capable de se reconnaître telle qu'elle est, de suivre sa marche habituelle en combattant la douleur et en soutenant le choc, non en se prosternant honteusement à ses pieds, excitée et échauffée par le combat, non abattue et renversée, capable de converser, capable de s'entretenir avec autrui jusqu'à une certaine mesure. Dans des circonstances aussi pénibles, c'est de la cruauté d'exiger de nous une attitude aussi étudiée. Si nous sommes forts intérieurement, peu importe que nous ayons une mauvaise contenance extérieure. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Ce texte est incroyable, Dominique Branchet, puisqu'on y entend Montaigne qui fait une critique assez sévère à l'égard de la philosophie et lui reproche finalement de s'occuper de la douleur non pas comme d'une passion ou d'un sentiment, d'une sensation en tant que telle, mais comme d'une gestion des apparences. Ce qui est véritablement étonnant parce qu'on pourrait se dire que la philosophie jusque-là en fait étudie tout ce qui arrive à l'homme de l'intérieur, mais finalement Montaigne dit non, en fait, ce qui vous intéresse c'est de pouvoir sauver les apparences. Alors ça, là n'est pas l'essentiel, nous dit Montaigne. L'essentiel est, nous dit-il, qu'importe que nous tordions nos bras pourvu que nous ne tordions pas nos pensées. L'important, ce sont les pensées, Dominique Branchet. Oui, tout à fait. Alors, quand il parle de philosophie dans ce passage saisissant, alors à nouveau, ce sont les stoïciens qui sont visés, puisque Montaigne explique bien qu'il ne s'agit pas de se dominer, mais de se mesurer, hein, de laisser la douleur s'exprimer, mais de ne pas s'y perdre. Et il me semble que ici il témoigne d'une proximité alors avec un autre courant philosophique, c'est-à-dire celui du scepticisme dit pyrrhonien, hein. C'est donc le scepticisme le plus radical, cette position philosophique qui consiste à vouloir guérir toutes les philosophies de leur dogmatisme. Et pour les sceptiques pyrrhoniens, eh bien, la douleur constitue cette part involontaire de l'expérience qui est imposée à tout être par nature et à laquelle on ne peut pas échapper. Hein. Donc, il y a, au fond, l'idée qu'il faut reconnaître nos affects et qu'il est inutile de chercher à les supprimer. Et du coup, pour les sceptiques, eh bien, il n'y a rien de dogmatique dans ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais remettre en question le fait qu'on a mal. On peut douter de tout sauf de notre douleur. On peut douter de tout sauf de notre douleur. Si vous dites j'ai mal, personne ne va le contester. En revanche, on ne peut s'exprimer que dogmatiquement sur les douleurs d'autrui. Si je me dis « vous avez mal », vous allez immédiatement vous indigner parce que, au fond, ce serait un abus cognitif que de m'introduire en fait dans votre corps. Et je pense que c'est vraiment ce caractère subjectif de l'expérience de la douleur qui intéresse Montaigne, et aussi le fait que pour le sceptique, ça implique aussi un certain usage du langage. C'est-à-dire que si vous parlez de vos affects, vous n'allez pas émettre de jugement sur le monde, vous allez simplement dire ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on dit parfois que le langage des sceptiques péroniens est une pathologie au sens premier du terme, c'est-à-dire un logos du pathos, un langage de l'affect. Et ce qui intéresse aussi beaucoup Montaigne chez les péroniens, c'est que il juge qu'au fond, les opinions qu'on a sur notre souffrance sont pires que la souffrance elle-même. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque d'accroître notre souffrance par des croyances négatives. Donc si on garde l'esprit serein, même si on traverse les pires souffrances, eh bien, on va souffrir en quelque sorte moins. C'est pour ça que les pyrrhoniens vont soigneusement distinguer d'un côté ce qu'ils appellent l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'esprit, et d'autre part, la métriopathie. Alors, c'est un terme un peu complexe, ça veut simplement dire la modération des affects. C'est-à-dire, plus vous avez l'esprit serein, moins vos affects vont vous emporter dans des troubles corporels insupportables. Et alors, qu'est-ce qu'ils visent, les pyrrhoniens? Ils visent plutôt la métriométrie, l'ataraxie. Ils pensent que si on atteint l'ataraxie, la tranquillité de l'esprit, eh bien, cela entraînera nécessairement une gestion plus douce de nos souffrances. Mais ce qui est paradoxal quand même chez les pyrrhoniens ou chez les sceptiques, c'est quand même de dire que la seule chose qu'on ne puisse pas remettre en cause, dont on ne puisse pas douter, ce sont nos affects. Et en même temps, ces affects, si on ne les remet pas en cause, prennent toute la place. Puisqu'il n'y a pas de place, puisque tout est sujet à doute sauf eux, il n'y a que d'eux dont on puisse parler, ce qui laisse quand même la place, non pas à une modération des affects, mais au contraire, une sorte d'exemplification de ces affects. Oui, mais en même temps, le paradoxe est levé si on se rappelle que, et ça c'est une idée qui est très présente chez Montaigne, c'est-à-dire que la souffrance ne vient jamais seule. Elle a deux facettes. À la fois, c'est une donnée naturelle, c'est une expérience du corps indiscutable, inaliénable, et en même temps, cette expérience est toujours médiée par notre imagination, par notre langage et aussi par l'écriture. Il y a une formule de Montaigne, de Roland Barthes que j'aime beaucoup. Barthes écrivait « Le corps n'en fait qu'à sa tête, il a d'autres idées que moi ». Montaigne, il reformulerait ça autrement, il dirait « Mon esprit ou mon imagination n'en font qu'à leur tête et ils ont d'autres idées que mon corps ». Alors, à savoir où le jeu de Montaigne s'installe dans cette complexe équation, c'est compliqué. Mais vous voyez que la douleur, elle se situe à la rencontre de ces libertés incontrôlables du corps, de l'esprit, de l'imagination. Elle se situe dans cette rencontre de ces différentes instances qui constituent l'être humain. Donc, l'idée, c'est qu'au fond, on ne peut rien changer à la douleur, qui est un fait brut. Mais on peut mettre au travail les représentations qu'on a de la douleur. Donc travailler non pas sur la douleur physique comme un médecin pourrait le faire en apportant des remèdes, des médicaments, mais vraiment travailler sur la douleur dans ce qu'elle a dans sa résonance psychique. Mais ce qui, problème, reconduit une forme en fait d'opposition entre le corps et l'âme. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas traiter du corps, fais-le à travers l'âme. Est-ce que Montaigne finalement reconduit cette coupure entre le corps et l'esprit ? Oui, alors c'est une grosse question. Oui, non, mais c'est une question vraiment fondamentale parce que c'est vrai que en général, on souligne toujours le fait que Montaigne insiste sur ce qu'il appelle l'étroite couture entre l'âme et le corps, qui, dit-il, s'entre-communique leur fortune. Donc c'est vrai que d'un côté, il va insister sur l'action réciproque du corps et de l'âme. Par exemple, il dit que quand un corps au pied lui presse l'orteil, eh bien, il en devient infréquentable, il est tout renfrogné et désagréable. Ça a d'ailleurs des conséquences juridiques importantes. importante, hein, parce qu'il note aussi que, bon, si vous allez au tribunal et que le juge a ramené sa goutte de la maison, hein, les souffrances de sa goutte, s'il est de mauvaise trempe, hein, comme dit Montaigne, eh bien, ça va avoir une incidence sur le jugement qu'il porte. Ce qui est vrai. Et là, il y a une forme d'unité de l'individu à travers la douleur. Alors là, il insiste sur une forme d'unité. Mais en même temps, Montaigne essaye de travailler sur la désunion du corps et de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi où il va essayer d'isoler la douleur physique, précisément parce que, en essayant de faire que notre imagination n'en augmente pas le caractère douloureux. Donc c'est ça ce qui est souvent difficile à appréhender chez Montaigne, hein, c'est au fond ces balancements constants, hein, à la fois tentative de rappeler cette solidarité intrinsèque du corps et de l'âme, mais de rappeler aussi que parfois corps et âme font leur jeu à part. Et dans l'extrait qu'on a entendu, eh bien là il s'agit bien pour l'âme de continuer à fonctionner au mieux, il s'agit bien de ne pas laisser la douleur dérégler notre jugement. En même temps, Montaigne lui-même va esquisser cette limite où la douleur deviendrait tellement insoutenable que, dit-il, notre jugement capitulerait et se démancherait. Hein, c'est-à-dire qu'il envisage un point de douleur tellement insoutenable, eh bien que ce serait le début, au fond, de la vraie maladie. La vraie maladie, c'est ce moment de défaite de l'esprit critique, c'est ce moment où il accepterait de se livrer aux mains des médecins. Donc la vraie maladie, c'est en fait se laisser à des opinions dogmatiques. Et donc on voit bien à cet égard que chez Montaigne, la santé ne se définit plus du tout comme chez les médecins de son temps qui étaient héritiers de la médecine antique, comme un équilibre du tempérament, mais plutôt comme une hygiène de la pensée. Hein? Oui, ça c'est intéressant. Alors ça veut dire que pour lui, le travail ne se fait pas physiquement, d'où d'ailleurs sa critique de la médecine en fait, mais vraiment d'un travail sur le corps. Et on a une vision ici plutôt presque à l'antique de la philosophie comme une pratique, comme des exercices spirituels. Complètement. Et d'ailleurs, il joue beaucoup avec les obsessions thérapeutiques de son temps. Hein. Par exemple, il dit « Faites ordonner une purgation à votre cervelle, elle y sera mieux employée qu'à votre estomac ». Donc il y a ici une espèce de brainwashing, mais qui n'est pas du tout négatif, mais qui permet de retrouver sa lucidité. Donc il y a vraiment une redéfinition de la santé. Hein. Être en bonne santé... eh bien, ce n'est pas être exempt de maladie, être exempt de souffrance. Non, c'est exercer de manière lucide son jugement. On va entendre tout de suite une archive de Vladimir Jankélévitch du 22 août 2003, dans lequel on entend Jankélévitch nous dire que le pire dans la maladie, ce n'est pas de la vivre, c'est de l'anticiper. L'angoisse d'une douleur appréhendée, même lorsque cette douleur est attendue, car vous remarquerez d'abord qu'on peut être surpris par la chose du monde la mieux attendue. L'angoisse, et ici nous allons le vérifier, pour la douleur, n'a pas pour matière le lendemain de la douleur, ni ses conséquences, ni l'état nouveau qui va s'organiser autour de la douleur. Car le malade, par exemple, peut éprouver chaque fois que la douleur, une fois qu'elle est installée, devient un régime, un nouveau régime, devient un palier, en quelque sorte, et n'est plus l'objet d'une angoisse particulière, une fois qu'elle est là. Pascal l'avait déjà remarqué pour la maladie. Lorsqu'on est bien portant, on se demande comment on pourrait supporter la maladie, ce que l'on fera quand on sera malade. Et puis, un beau jour, on tombe malade et on fait comme tous les malades. L'homme s'arrondit à la mesure de sa détresse, s'installe dans sa misère et connaît, dans l'état diminué où il se trouve, un nouveau palier, un nouvel intervalle. La douleur, lorsqu'elle est présente, n'est pas si terrible que cela. C'est avant qu'elle ne se déclare qu'elle est terrible. C'était donc la voix de Vladimir Jankélévitch à la radio, une rediffusion de 2003 sur France Culture. On entend donc cette thèse selon laquelle, qui est assez savoureuse, je dois dire, Dominique Branchet, selon laquelle le pire dans la maladie, donc ce n'est pas de la vivre, mais de l'anticiper. Les mots qu'emploie Jankélévitch sont savoureux. En revanche, l'idée est assez dure, c'est-à-dire que finalement, il est en train de dire que la douleur est plus, tient plus à nous et plus de notre faute finalement, de nos représentations, de nos jugements, plutôt que de la douleur elle-même. Ce qui est une certaine manière quand même de remettre en cause l'objectivité de la douleur que peut faire une maladie. Oui, alors c'est un très très beau passage de Yankelevitch. Alors on retrouve cette idée qu'effectivement il n'y a pas d'expérience somatique pure, hein, immédiate, qu'elle est encore une fois toujours médiée par nos représentations. Et Yankelevitch met en valeur une notion qui est fondamentale pour Montaigne, c'est la force de l'imagination. Hein. Il y a un essai célèbre de Montaigne, l'essai 1.21, qui s'appelle précisément « De la force de l'imagination », parce que cette imagination est un pharmacone, hein, qui peut aggraver ou au contraire alléger nos douleurs. Et il y a des passages où Montaigne est très proche de ce qu'explique Yankelevitch, c'est-à-dire qu'il va parler de cette fonction exploratoire de la douleur, hein, de l'imagination, pardon, l'imagination qui est une simulatrice au fond, hein, qui va contrefaire au fond des douleurs futures. Et ce qu'apprend Montaigne au fond, c'est que saint, il avait les maladies beaucoup plus en horreur que lorsqu'il les a senties. Hein, c'est-à-dire que par son imagination, il a toujours grossi les incommodités de la maladie. Et donc, au fond, l'imagination est un instrument à double tranchant, hein, puisqu'à la fois, ça peut évidemment intensifier nos souffrances, mais Montaigne essaye aussi de développer des stratégies pour flatter son imagination et s'en servir. Donc finalement, le travail va se faire, on revient à cette distinction, va se faire le soin de soi-même, va se faire non pas à travers des potions, des exercices physiques, corporels, mais à travers des exercices donc spirituels et en particulier un travail sur nos représentations et notre imagination. Mais comment ça se passe ça? Comment on fait pour travailler sur notre imagination? Qu'est-ce que nous dit Montaigne sur ce sujet-là? Alors, il y a un passage extrêmement célèbre de l'essai de l'expérience où Montaigne imagine une espèce de petite comédie ironique qui met aux prises son imagination et son esprit. C'est-à-dire que son esprit va jouer le rôle de consolateur et de sermonneur. Il va utiliser une rhétorique très manipulatrice pour flatter son imagination. Donc il y a déjà quelque chose de surprenant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit plutôt l'imagination qui corrompt l'esprit, hein, et là c'est l'inverse, hein. C'est donc l'esprit qui s'adresse à l'imagination. Et de manière très curieuse, l'esprit va défendre les avantages d'une maladie mortelle, hein, à savoir cette lithiase rénale. Alors il va dire à Montaigne que ça le range dans la classe illustre des coliqueux, hein. Il y a une espèce de club très sélect au fond des gens atteints de cette maladie. C'est aussi une maladie qui va le punir par où il a joui, c'est-à-dire les reins, hein, donc il renvoie à la sexualité très épanouie de Montaigne. Et c'est aussi une maladie qui lui apprend à mourir et qui nous permet encore davantage de goûter à la volupté. Mais ça, c'est l'esprit. Ça, ce sont des arguments rationnels. Alors, ce sont les arguments que l'esprit adresse à l'imagination, et donc ça pose la question, est-ce qu'on peut vraiment prendre au sérieux cette comédie? Et il me semble que ici Montaigne veut souligner les pouvoirs d'illusion des discours qu'on tient sur soi. Hein, c'est-à-dire qu'on s'adresse à soi-même, on se parle toujours à soi-même, il y a une forme d'entretien intérieur que chacun développe, mais il ne faut pas en être dupe. Pour autant, Montaigne ne récuse pas du tout le recours à ce type de moyens. C'est-à-dire, si cette boîte à pharmacie doxastique peut se montrer efficace, pourquoi ne pas y recourir? Donc ce qu'il critique, c'est l'autosuggestion qui consiste à dire « tu vas aller mieux, finalement c'est un mal pour un bien » ou que sais-je, ce genre de formule. Ou alors est-ce qu'il critique plutôt ces arguments qui relèvent, des arguments classiques qui relèvent de la philosophie, à savoir ceux qu'on trouve notamment chez les épicuriens, ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir puisque une fois qu'on meurt, de toute façon on anticipe quelque chose qu'on ne connaît pas, et une fois qu'on y est, de toute façon, on ne ressent plus rien. Est-ce que là, il démonte ces arguments-là, ou est-ce qu'il démonte la méthode? Alors, je pense que ce que fait Montaigne, c'est de proposer une nouvelle formulation du paradoxe de la fiction. On peut assister à une représentation théâtrale, savoir pertinemment qu'il s'agit d'une fiction, et en même temps, sentir les effets de cette fiction sur nos affects. c'est exactement la même chose avec le discours qu'on peut tenir sur sa propre douleur. C'est-à-dire que Montaigne n'invite pas à renoncer finalement à l'usage d'opinions consolatrices, mais il nous interdit d'y croire tout à fait, d'y adhérer. C'est-à-dire qu'on peut en faire usage, on peut bénéficier de leur effet, tout en sachant qu'elles ne sont pas forcément vraies. Donc il y a un bénéfice du mensonge, presque. Il y a un bénéfice du mensonge, exactement. Et ça, ça apparaît tout particulièrement avec la douleur, puisque la douleur fait quand même partie, en fait, constitue une grosse matière, on va dire, quand même, des essais, puisque l'idée des essais, c'est de se décrire lui-même, de se mettre à nu. Donc la douleur fait forcément partie de cette description de soi dépouillée de tout artifice. Est-ce que là, la douleur est l'occasion véritablement pour pouvoir à la fois récuser une posture philosophique qui reste un petit peu terne quand on est face aux épreuves de la vie et en même temps en déployer une autre qui est celle, et inattendue, des bénéfices du mensonge? Oui, alors les bénéfices du mensonge, c'est pour calmer la douleur, mais ça n'écarte pas le fait que la douleur est à la fois un objet philosophique, hein, qui permet de penser à l'articulation entre le corps et l'âme, et puis aussi un moyen d'investigation de soi-même. C'est-à-dire que, au-delà du pathologique, hein, la douleur est vraiment condition d'une perception aiguisée de soi-même comme sujet jouissant, souffrant, mais aussi écrivain. C'est comme si Montaigne reformulait le fameux « connais-toi toi-même » par un « sens-toi toi-même ». Il valorise ce qu'il appelle l'interne attouchement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la synesthésie. Il cite d'ailleurs à cet égard les philosophes cyrénaïques qui disaient qu'on ne pouvait rien percevoir du monde extérieur, mais seulement nos sensations internes, c'est-à-dire la douleur et puis la volupté. Donc je pense qu'il y a cette idée essentiel que mettre en mots sa souffrance permet en quelque sorte de développer sa subjectivité. Il y a un très beau livre d'Antoinette Gimarais sur cette question qui dit que précisément parler de sa souffrance contribue à l'émergence d'un discours de la singularité. Ça permet d'élaborer un savoir du particulier, et c'est à cet égard aussi que la douleur intéresse Montaigne. Et je serais assez tentée de tisser un parallèle entre Montaigne et un autre essayiste, c'est Rouwen Ogiène, philosophe. Rouwen Ogiène est décédé en 2017 d'un cancer du pancréas, juste après la parution d'un très bel essai qui s'appelle « Mes mille et une nuits ». Et dans cet essai, Ogiène explique que, voulant faire un voyage aux États-Unis, il s'est aperçu qu'un des traitements qu'il recevait pour le soigner de son cancer, la KPC-batine, je ne me rappelle plus exactement le nom, effaçait ses empreintes digitales. Donc finalement, il y avait un effacement de l'identité à travers sa maladie. Mais en même temps, l'écriture est précisément ce qui permet de réinscrire ses empreintes digitales pour le sujet écrivant. Parce que la souffrance, elle noue le corps, mais elle délie la langue. Elle fait parler, en quelque sorte. On pourrait penser aussi à la muse malade dont parle Baudelaire. Est-il rien d'aussi doux que ce changement soudain ? Quant à la suite d'une douleur extrême, j'en viens, grâce à l'expulsion de ma pierre, à recouvrer comme par un éclair la belle lumière de ma santé, si libre et si pleine, comme cela arrive dans nos soudaines et plus rudes coliques néphrétiques. Y a-t-il quelque chose dans cette douleur subie que l'on puisse mettre en balance avec le plaisir d'un si prompt changement favorable ? Comme la santé me semble plus belle après la maladie, si proche et si voisine que je peux les examiner l'une en présence de l'autre, dans leur plus belle tenue, où elles se mettent à qui mieux, comme pour rivaliser et s'opposer. De même que les stoïciens disent que les vices sont utilement introduits dans le monde pour donner du prix à la vertu et pour l'épauler, nous pouvons dire à plus juste titre et en faisant une conjecture moins hardie que la nature nous a procuré la douleur pour l'honneur et le service du plaisir et d'un état exempt de douleur. lorsque Socrate, après qu'on l'eut déchargé de ses chaînes, éprouva l'agréable sensation succédant à la démangeaison que leur pesanteur avait causée à ses jambes, il se réjouit en considérant l'étroite alliance de la douleur et du plaisir, et en voyant comme elles sont associées par une liaison inévitable, en sorte que tour à tour, elles se suivent et s'engendrent l'une l'autre. Je suis très frappé par le fait qu'on rencontre là quelqu'un qui ne joue pas les durs au niveau de sa pensée, mais qui n'est pas tendre avec lui-même sur le plan physique. Montaigne a supporté des choses extraordinairement dures. La maladie dont il a été assez tôt affecté, la maladie de la pierre, qui l'a amené à voyager à travers l'Europe et spécialement en Italie pour y prendre les eaux, cette maladie était très douloureuse. Eh bien, il a supporté ça gaillardement, et à travers ce voyage qu'il faisait pour se soigner, il a trouvé le moyen de se passionner pour des quantités de choses qu'il ne connaissait pas auparavant, et d'ailleurs il était parti à la fois pour se soigner et pour découvrir le monde. C'était une archive du philosophe français Francis Janson, une archive du 23 avril 1973 de l'ORTF. On entend Francis Janson louer presque la maladie, les douleurs qu'a enduré Montaigne et qui lui ont permis finalement de découvrir d'autres choses, de proposer d'autres récits et d'être, on a l'impression d'être lui-même. C'est ce que vous disiez, Dominique Branchet, il y a une subjectivation grâce à la douleur, ce qui rejoint le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par Hélène Lossor, un extrait en fait des essais du livre 3, chapitre 13, de l'expérience dans lequel Montaigne fait véritablement un éloge de la douleur, c'est-à-dire ce moment où, grâce à la douleur, nous pouvons non seulement nous trouver nous-mêmes, jouir de nous-mêmes, mais aussi connaître la volupté. Oui, alors évidemment, il faut resituer ce très bel extrait de Montaigne dans son contexte, hein, puisqu'il s'agit précisément d'un extrait de cet éloge paradoxal que propose l'esprit à l'imagination. Hein. Je dis éloge paradoxal au sens qu'avait le mot paradoxal au XVIe siècle, c'est-à-dire un éloge qui défie les idées reçues, hein, parce que on peut être surpris évidemment de voir cette célébration de la douleur. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, la douleur est un moment d'acuité particulier qui permet de se ressaisir soi-même de manière particulièrement forte. Et ce qui est aussi frappant, c'est que cette colique qu'a souffert Montaigne, bon alors il a eu d'autres maladies, mais ça a été quand même cette maladie chronique hein, qui a joué un rôle tellement déterminant, elle a commencé lorsqu'il avait à peu près 40 ans. Donc il avait commencé déjà à écrire les essais, mais le projet de l'autoportrait, de la peinture de soi qu'il formule dans les essais, coïncide avec les premières attaques de la gravelle. Donc on voit finalement l'articulation très étroite hein, qu'il y a entre le projet de se représenter et puis les attaques de la maladie. Et après, je pense qu'il faut aussi se questionner sur le genre de l'essai lui-même. Parce que je citais tout à l'heure le beau livre de Rouven Ogiane, hein, « Mes mille et une nuits ». Alors on pourrait penser que Rouven Ogiane, comme Scheherazade, va raconter des histoires hein, pour finalement repousser la mort et la maladie. Mais en fait, Rouven Ogiane, en pratiquant l'auto-observation, il choisit lui aussi l'essai. Donc, c'est-à-dire qu'on tente de se décrire, c'est-à-dire que cette subjectivation ou cette connaissance de soi n'est pas une connaissance au sens objectif ou scientifique auquel on pourrait s'attendre, c'est ça? Exactement, et c'est aussi une connaissance de soi qui ne va pas adopter le moule narratif. Hein. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui vont essayer de ressaisir l'hétérogénéité de leur expérience dans un récit qui n'est pas construit de manière linéaire. Et ça, je pense que c'est un aspect tout à fait fondamental dans l'écriture de Montaigne. Hein. Montaigne va parler de ses souffrances dans énormément de textes différents. Dans les essais, dans le journal de voyage, il fait aussi allusion à des petites notes hein, qu'il prenait sur les symptômes de sa maladie. Et à la dispersion de ces supports s'ajoute aussi le caractère absolument non chronologique et non stratifié de son discours. On sait bien que les essais, c'est par exemple un texte qui n'a cessé de reprendre, de retravailler, de recycler. Il y a le fameux exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire c'est la dernière édition des essais de Montaigne, que ce dernier n'a cessé d'annoter jusqu'à sa mort. Et donc, ça confère à chaque page une forme d'épaisseur temporelle qui défait la linéarité du récit. Donc, il refuse au fond... Si vous voulez, le récit de cas, hein, il fait voler en éclats cette structure pour proposer une poétique d'un autre genre, c'est-à-dire une poétique où il va agglomérer les lopins de son expérience, où il va recomposer de manière éclatée son expérience. Et peut-être un dernier mot là-dessus, je pense que cette fragmentation de la description, elle ne rend pas, disons, le vécu de la douleur moins confus, mais elle rend l'expression de soi plus vive. C'est ça qu'il recherche. Et elle est au plus près aussi de l'expérience de la douleur, qui justement, en fait, agit par palier, par il y a des ralentissements, on s'adapte, on franchit des stades, il y a des à-coups. Cette écriture de Montaigne rend aussi, en fait, est à la fois imprégnée du rythme de la douleur, et la douleur est mieux retransmise par l'écriture de Montaigne. Oui, alors ça, c'est vraiment un point fondamental, c'est-à-dire que la discontinuité de son expérience va se répercuter justement dans une écriture du discontinu. Et c'est pour cela que il y a aussi une mise à distance par rapport au récit. Hein. Évidemment, les essais, ce n'est pas du tout une autobiographie de Montaigne. On parlerait plus justement d'un autoportrait, ou alors plutôt une succession d'autoportraits, oui. Hein, parce que, disons, la métaphore picturale est peut-être induit peut-être trop de fixité. Mais comme vous le dites très bien, il était frappé d'une maladie chronique, c'est-à-dire d'une maladie intermittente. Et cette intermittence, elle se reflète hein, dans la forme même de l'essai. Ce qui est très intéressant dans le texte qu'on a entendu, Dominique Branchet, c'est cette expérience que décrit Montaigne, qui je pense chacun d'entre nous a expérimenté précisément, à savoir le plaisir, la jouissance qu'il y a au moment où la douleur disparaît. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de plaisir qui n'est pas l'envers de la douleur, mais qui est justement dans cette, pour reprendre un petit peu un terme à la Montaigne, sorte de couture, de jointure entre la douleur et le plaisir. Le plaisir apparaît précisément au moment où la douleur est encore là, mais en train de disparaître. Ce qui pose quand même cette question, non seulement d'un éloge de la douleur, on a parlé du dolorisme tout à l'heure auquel échappe Montaigne, mais ce qui pose aussi la question du plaisir en tant que tel. Un plaisir, même le bonheur en tant que tel, est-il possible sans douleur chez Montaigne? Alors, il est possible sans douleur et avec douleur, hein, parce que je pense que Montaigne ne cesse de brouiller nos partages catégoriels, hein, à la fois celui entre maladie et santé, ou si on voudrait reprendre les termes de Canguilhem, entre le normal et le pathologique. Il dit bien au fond que la maladie fait partie du tissu même de la vie. Hein. Je meurs de ce que je suis vivant, nous dit Montaigne. La maladie n'est pas quelque chose qui est extérieur, en fait, à une santé qui serait une forme idéale. Et en cela, eh bien, la douleur est très proche aussi de la douceur. Y a une volupté qui est intrinsèquement lié à la douleur, parce que si on ne fait pas l'expérience de la douleur, on ne peut pas comprendre ce qu'est la volupté. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et il a aussi cette expression étonnante dans l'essai de l'expérience. Hein. Il explique que si les médecins rendent la santé malade, eh bien quant à lui, il recherche une médecine voluptueuse. Il mentionne d'ailleurs un de ses amis goûteux auquel les médecins voulaient interdire la charcuterie. Et cet ami a préféré ne pas y renoncer du tout. Et nous dit Montaigne, eh bien, il injuriait régulièrement ses jambons et ses salamis de le faire souffrir autant, mais de le faire aussi jouir autant. Alors on va parler d'une autre forme de douleur, Dominique Blanchet, puisqu'il nous reste assez peu de temps. Et là, pour le coup, c'est une douleur que Montaigne ne valorise pas ou du moins ne veut pas regarder en face. Il s'agit de la douleur des autres. Je vis en un temps où foisonnent des exemples incroyables du vice, du fait de la licence qui règne dans nos guerres civiles. On ne voit rien dans les ouvrages historiques anciens qui soit pire que ce dont nous faisons l'expérience tous les jours. Mais cela ne m'y a nullement habitué. Je pouvais avec peine me persuader, avant de l'avoir vu, qu'il eût existé des âmes si monstrueuses que pour le seul plaisir du meurtre, elles voulussent le commettre, en tranchant à la hache les membres d'autrui, en aiguisant leur esprit pour inventer des tortures inusitées et des mises à mort nouvelles, sans inimitié, sans profit, et à seule fin de jouir de l'amusant spectacle des gestes et des mouvements pitoyables, des gémissements et des paroles lamentables d'un homme mourant dans la douleur. Car c'est là l'extrême point que la cruauté puisse atteindre. Qu'un homme tue un homme sans colère, sans crainte, seulement pour le spectacle. Pour ma part, je n'ai pas pu voir seulement sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente qui est sans défense et de qui nous ne recevons aucun mal. Et comme il arrive communément, par exemple, que le cerf, se sentant hors d'haleine et à bout de force, et n'ayant pas d'autre remède, se jette en arrière et se rend à nous qui le poursuivons, en nous demandant grâce par ses larmes et par ses plaintes. Couvert de sang, il semble implorer pitié. Cela m'a toujours semblé un spectacle très déplaisant. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. De la cruauté, c'est le titre de ce chapitre que l'on vient d'entendre interpréter, dont on entend un extrait, hein, interprété par Hélène Losseur, donc extrait des Essais, c'est le livre 2, chapitre 2, dans lequel Montaigne condamne très clairement la cruauté, ce qui soulève en fait cette question, Dominique Blanchet, comment à la fois regarder la douleur en face, c'est-à-dire ne pas la nier, sans pour autant tomber dans une délectation en fait de la douleur qui deviendrait une sorte de perversion et qui relèverait de la cruauté. Alors, il y a toute une réflexion de Montaigne sur la compassion et les ambiguïtés de la compassion, hein, ce qu'on appelait aussi la condouleur, hein, le fait d'avoir une douleur avec l'autre. Et Montaigne a des grandes finesses, distingue au fond ce qui serait une empathie compatissante et une empathie sadique, c'est-à-dire une empathie où on participerait émotionnellement à la souffrance de l'autre, mais pour s'en délecter. Il n'y a pas du tout une approche naïve, hein, de la compassion chez Montaigne, mais au contraire une conscience très grande, hein, de la perversité interne à cette compassion. Et je pense que, alors dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on comprend bien que Montaigne est révolté au fond par non pas par une indifférence à la souffrance de l'autre, hein, mais par le plaisir qu'on y prend. Donc le contraire de l'indifférence, le fait même qu'on la recherche. Le contraire de l'indifférence, exactement. Mais il va pas opposer cruauté et empathie, hein, mais il y a une empathie cruelle en quelque sorte. Et on a beaucoup parlé maintenant de toute l'attention que Montaigne porte à ses propres souffrances. Il me semble qu'elle a pour corollaire obligé l'attention qu'il porte à la souffrance des autres. Ça renoue avec, disons, des réflexions éthiques plus modernes. On sait que le fait de réifier l'autre peut amener à se réifier soi-même, hein, ou que de faire violence aux autres, c'est se faire violence aussi à soi-même. Et Montaigne s'insurge contre cette inhumanité. Il s'est décrit lui-même comme quelqu'un d'extrêmement compatissant, qui s'émeut devant la souffrance des animaux ou la misère des humbles. Hein. Il dit la naturelle compassion peut infiniment en moi. En même temps, ça n'est pas seulement un instinct, c'est aussi une attitude réfléchie, hein. C'est-à-dire, il brouille aussi cette frontière entre intellect et passion, hein. La compassion chez Montaigne, c'est aussi un acte de la raison, et un acte de la raison qui permet de regagner notre humanité. Parce que je parlais tout à l'heure de cette part involontaire de l'expérience humaine qu'est la souffrance, eh bien Montaigne va en étendre considérablement l'éventail des victimes. C'est-à-dire non seulement les animaux peuvent souffrir autant qu'un homme, mais même les plantes. Hein. Il parle de l'arbre qui souffre sous les coups de la hache. Donc il y a finalement une éthique de la cofraternité entre tous les êtres, hein, qui est fondée justement sur la reconnaissance de la douleur de l'autre. Ce qui est intéressant parce qu'il a exactement le même présupposé que les utilitaristes comme Bentham par exemple, qui va partir d'une, qui a proposé des droits pour les animaux à partir justement de leur souffrance. Donc là, Montaigne se situe exactement dans cette mouvance-là qui est que c'est grâce au fait de souffrir, de pâtir, que l'on peut postuler une égalité entre les vivants. Alors exactement, et pour revenir à l'essai de la cruauté, ce qu'il décrit dans cet essai, c'est ce que j'appellerais une logique d'entraînement imitatif. C'est-à-dire dès le moment où on accepte la cruauté envers les animaux, eh bien on ouvre à la cruauté envers d'autres êtres humains. Et c'est un essai qui est construit assez rigoureusement, puisque il va partir au fond de la compassion qu'il éprouve pour les animaux qu'il chasse. Hein. Il parle d'un lièvre gémissant. Et puis ensuite, il va enchaîner sur le sort tragique des humains. Alors ça peut être la mort de nos proches, enfin les souffrances de nos proches. Après, il va témoigner de sa compassion envers les peuples colonisés. Envers les condamnés à mort, hein, qu'on torture sur la place publique. Et enfin, le climax, eh bien, c'est ce qu'il appelle la licence de nos guerres civiles. Hein, c'est ce que décrivait l'extrait que nous avons entendu. L'extrême point où la cruauté puisse atteindre. Mais vous avez remarqué dans cet extrait, ce qui est fascinant, c'est qu'il va embrayer sur l'expérience personnelle, c'est qu'il va articuler la grande histoire, hein, le drame collectif des guerres de religion, au destin tragique d'obscures créatures des forêts. Hein, et il y a ce passage très émouvant où il parle des larmes du cerf. Hein, alors, le cerf, évidemment, est un animal noble. Hein, souvent, il est appréhendé comme un symbole christique. Mais il lui reconnaît un art du sanglot qui l'affecte. Et dernière question, Dominique Branchet, il faut aussi mettre une limite, donc comme le dit Montaigne, à cette compassion dès lors qu'elle devient cruelle. C'est très intéressant en fait, c'est la limite qu'il met, mais aussi la compassion pour soi. Il faut le dire quand même, Montaigne nous met en garde de se noyer dans sa propre douleur et de faire preuve d'égocentrisme. Oui, alors effectivement, il y a deux formes d'inhumanité pour Montaigne. D'une part, l'autocompassion. C'est-à-dire, effectivement, essayer... Alors, on parlait tout à l'heure d'exprimer sa souffrance, mais Montaigne reconnaît en lui ce qu'il appelle cette puérilité d'essayer, effectivement, de s'attirer la commisération d'autrui. Mais c'est quelque chose d'inhumain qu'il faut rejeter. En revanche, la compassion envers autrui, eh bien, ça, c'est notre devoir d'humanité. Même si, par ailleurs, il reconnaît finalement, dans toute forme de compassion, au-delà de cette distinction que je faisais entre empathie compassionnelle et empathie, disons, sadique, il reconnaît finalement dans toute compassion ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, hein, je le cite, « Je ne sais quelle aigre douce pointe de volupté maligne à voir souffrir autrui. » Donc, il y a un éloge de la compassion, mais en même temps, il identifie dans cette passion une forme d'hybridité. Merci beaucoup Dominique Branchet. De vous, on peut lire donc la coordination, la revue que vous avez coordonnée avec Thierry Gonti du numéro 19 de la revue Éthique, Politique, Religion, Montaigne, Maladie du Corps, Maladie des Temps, c'est paru aux éditions Classique Garnier. Vous avez aussi écrit Quand l'esprit vient aux plantes, Botanique sensible et subversion libertine, c'est aux éditions Drose. Et enfin, Équivoque de la pudeur, Fabrique d'une passion à la Renaissance, aux éditions Drose. Merci beaucoup. On s'endort avec, sans Salam Alek, puis on se réveille pareil. C'est un peu partout, c'est dans le genou, l'épaule ou la hanche qui flanche. C'est pas dramatique, c'est un peu critique. On s'en passerait, c'est vrai. On garde l'espoir, mais va-t-on savoir où ça ressortirait après? On vit avec ces vieilles douleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en impatience ou en indifférence. On a connu des jours. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 passées, pardon, et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment joindre l'utile et l'agréable ? Il y a une formule de la sagesse populaire, on pourrait presque dire un dicton, qui nous semble parfois aussi connoté d'une sorte de forme de jouissance personnelle, peut-être un tout petit peu soupçonnable d'un abus quelconque qu'il faudrait analyser. C'est cette expression quand nous disons les uns aux autres, eh bien là, nous allons essayer de joindre l'utile et l'agréable. Par exemple, je dois discuter avec quelqu'un d'un sujet professionnel, mais je dis, après tout, j'ai un agenda un peu compliqué, essayons d'aller déjeuner, comme ça nous allons joindre l'utile et l'agréable. Il y a la corvée de te voir pour parler de tel ou tel sujet, mais au moins on sera dans un restaurant sympathique et on va pouvoir en profiter pour passer un bon moment, peut-être sur une terrasse au soleil. Et là on va dire, je joins l'utile, le traitement d'un problème urgent, et puis l'agréable, un plaisir qui va se surajouter. Et parfois, en effet, nous avons ce sentiment que l'être humain cherche à jouer sur plusieurs tableaux, sur son intérêt personnel, que l'utile et l'agréable, c'est une sorte de cumul. Comme on dit, le cumul des mandats, alors on va joindre la responsabilité politique et puis aussi l'intérêt personnel. Et il y a ce soupçon, finalement, que joindre l'utile et l'agréable à quelque chose d'indécent, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ce risque, cette réduction. Si l'agréable est en effet le plaisir personnel qui s'ajoute à l'utile comme intérêt, là aussi, personnel comme une sorte de recentrage sur un individu par opposition aux autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sens possiblement plus profond de cette expression populaire, joindre l'utile et l'agréable? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un horizon, une perspective qui ouvre l'utilité justement sur d'autres aspects de l'existence humaine, comme si se contenter de traiter les problèmes pour éviter des dangers, pour éviter de nuire, pour une réduction de l'utile à la survie immédiate, était en effet un problème majeur pour les êtres humains. Oui, nous avons d'autres besoins que simplement survivre, et l'agréable, c'est déjà une ouverture vers ces autres besoins. Nous avons besoin aussi d'une sorte de supplément. Un supplément de plaisir, un supplément de vérité aussi. L'agréable nous ouvre vers le bien, vers le beau, vers beaucoup de choses depuis l'utile, sans sacrifier l'utile. En un certain sens, joindre l'utile et l'agréable, c'est joindre des dimensions de la vie que nous aurions tort peut-être en effet d'opposer. Peut-être que nous avons tort d'opposer un plaisir esthétique pur, une amitié pure, désintéressée, de la couper par exemple des besoins que nous devons traiter ensemble, des tâches que nous pouvons affronter ensemble. Il y aurait donc un sens positif possible. Joindre l'utile et l'agréable, c'est aussi unifier notre vie par-delà la coupure du besoin urgent qui fait que nous devons répondre en effet aux dangers qui nous menacent. Joindre l'utile et l'agréable, joindre aussi l'utile et le respect, joindre l'utile et la liberté, joindre l'utile et la justice. Oui, il est tout à fait nécessaire de partir de l'utilité, mais de ne pas s'y réduire et de la joindre à autre chose. Et peut-être que dans ce dicton qui part du plaisir, des deux facettes du plaisir, du besoin et du plaisir finalement, l'utile et l'agréable, il y a déjà une ouverture sur la diversité de la vie humaine. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasalle qui a préparé cette émission, Thaïs Eloi-Hammer, Jules Barbier, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Grégory Wallon. Merci à Hélène Losseur à la lecture des textes. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission sur Montaigne, il restait tant de choses à dire, oui je sais, mais aussi toutes ces émissions sur la douleur, et bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour les Chemins du vendredi et ses objets inattendus de la philo. Et demain, place à Aldous Huxley. Oui, l'écrivain, l'auteur du meilleur des mondes, ce sera avec Pascal Chabot. À demain sur France Culture. Retrouvez dans un beau livre illustré Les Chemins de la Philosophie d'Adèle Van Rett.